lui plus rien voir. Que ce tragique quotidien, tragique hobby que l'on soutient. C'est l'histoire que nos anciens ont écrite pour nous aimer. Elle était toujours ainsi. Quand cela a-t-il débuté? Je ne puis plus rien voir. Que ce tragique quotidien, tragique hobby que l'on maintient. C'est l'histoire que nos anciens ont écrite pour nous aimer. Elle était toujours ainsi. Quand cela a-t-il débuté? Chose, un peu de nourriture, quelques bouteilles de vin, un peu de votre ambition et le sexe de vos femmes libérées. Enfin, si elles veulent bien. Je pense que vous pouvez comprendre. Je ne demande pas grand-chose. Je pense que vous pouvez comprendre. Je ne demande pas grand-chose. Je pense que vous pouvez comprendre.